Jean 1, versets 1 à 21, je lis les trois premiers versets. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Dans le chapitre 3 de l'Évangile selon Jean, un docteur de la loi appelé Nicodème est étonné de ce que Jésus lui dit, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Et vous, êtes-vous étonné ou êtes-vous né de nouveau? Examinons ce dialogue entre Nicodème et Jésus en trois points. Le savoir, le statut et le salut. Vous écoutez « Rencontrer Jésus-Christ, naître ». Ceci est un enseignement de préparation au séminaire « Métanoïa », transformé à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le séminaire « Métanoïa » est une invitation à rencontrer Jésus-Christ et à expérimenter la transformation par laquelle il divise toute histoire humaine en un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Je suis Marie-Laure Braga et revoici Paul-Julien Braga pour la suite du message. Bonne écoute! Alléluia. Alléluia. 1. Le savoir. Nicodème sait des choses sur Jésus. Il sait aussi des choses sur Dieu et sur les envoyés de Dieu. Cette nuit, il vient voir Jésus avec tout ce bagage et semble avoir l'intention de le déballer. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est ainsi qu'il commence en Jean 3, le verset 2. Un tel témoignage n'est pas rien de la part d'un pharisien qui est aussi un chef des Juifs. Ce n'est pas rien quand on sait qu'en général, ces gens sont opposés à Jésus. Mais Jésus l'arrête tout de suite. Comme les Juifs du chapitre précédent, Nicodème est frappé et convaincu par les miracles. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus ne se fie donc pas à Nicodème et à cette connaissance anecdotique qu'il a du salut du monde. En effet, Jésus n'est pas simplement venu faire voir des miracles pour faire parler de lui. Il est venu sauver le monde. Paul a bien cerné ce problème des Juifs par rapport à la mission du Fils de Dieu. Il écrit, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. » 1 Corinthiens 1, 21 à 24. Le savoir sous la forme de récits de miracles ou de recettes de sagesse n'est pas sans intérêt. Mais la puissance et la sagesse de Dieu pour le salut se trouvent dans la prédication de Christ crucifié. C'est ce message que Jésus donne à Nicodème en lui montrant comment voir le royaume de Dieu et avoir la vie éternelle. Et Jésus commence par répondre à Nicodème en Jean 3, 3, disant, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème est intrigué par la réponse de Jésus. Il lui demande, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jean 3, verset 4. Jésus répond encore, mais Nicodème a du mal à comprendre. Il insiste donc. Comment cela peut-il se faire? Jean 3, verset 9. Il est évident que Nicodème n'en sait pas assez pour son salut, mais encore. 2. Le statut. Il est évident que Nicodème n'en sait pas assez pour son salut, mais encore, il n'en sait pas assez pour son statut. Jésus l'interpelle alors en lui rappelant son statut. « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ?» Jean 3, verset 10. Ailleurs, Jésus reprend durement les pharisiens, groupe religieux dont fait partie Nicodème. Il leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Matthieu 23, verset 13. On peut donc, comme Nicodème à ce stade, enseigner le peuple et ne pas avoir accès au royaume de Dieu. Pire, on peut en barrer l'accès aux gens par ce statut. Comment? Le contexte de Matthieu 23 montre clairement que c'est en négligeant l'essentiel au profit des choses secondaires. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est la prédication de l'évangile de notre salut comme décrit par Paul en 1 Corinthiens 15. Je lis les premiers versets. Il est écrit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Paul, avec des paroles fortes, encourageait aussi les chrétiens de Galatie à ne pas se laisser impressionner et détourner par qui que ce soit prêchant autre chose. Il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 1, versets 6 à 9. Cet évangile est le message que Jésus présente à Nicodème en lui disant qu'il faut naître de nouveau et en répondant à ses questions. 3. Le salut. Nicodème a vu les miracles. Jésus lui parle de voir le royaume de Dieu et d'y entrer. Pour cela, il faut naître de nouveau. Mais c'est justement là le casse-tête. Comment? Nicodème pose 3 questions à Jésus qui montrent qu'il ne sait pas quoi penser. Première question, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Deuxième question, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Troisième question, comment cela peut-il se faire? Cependant, il y a quelque chose que Nicodème a bien compris. C'est qu'il s'agit de naître après être déjà né. Et vu son âge, il parle de naître quand on est vieux. Jésus lui explique alors, en réponse aux 2 premières questions, qu'il y a 2 façons de naître, naître de la chair et naître de l'esprit. Chaque type de naissance donne une nature spécifique à la personne qui est née. Il est écrit « Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean 3, verset 6. En clair, il n'est pas nécessaire et même pas possible que celui qui est né de la chair naisse encore de la chair. Une telle personne, comme Nicodème, peut voir les miracles et se faire une idée de Jésus. Mais elle ne peut pas voir le royaume de Dieu et y entrer. Il faut naître de l'esprit pour cela. C'est-à-dire que la personne qui est née de la chair doit maintenant naître de l'esprit pour voir le royaume de Dieu et y entrer. C'est là qu'intervient la 3e question de Nicodème. Comment cela peut-il se faire? La réponse que Jésus donne en Jean 3, les versets 11 à 21, peut tenir en ces deux lignes. Premièrement, recevez le témoignage du Fils de l'homme. Et deuxièmement, croyez au Fils de Dieu crucifié pour le salut du monde. Voyons dans le détail ces deux propositions. Premièrement, recevez le témoignage du Fils de l'homme. Le témoignage du Fils de l'homme, c'est que, je cite Jean 3, verset 13, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » L'ange avait en effet dit à Joseph, je lis Matthieu 1, verset 20 à 21, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » En sorte que Jésus est né de l'Esprit et non de la chair et du sang. C'est ce que Paul explique en 1 Corinthiens 15 en rapport avec le royaume de Dieu. Paul montre ici la différence entre Adam et Jésus. Il écrit « Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » 1 Corinthiens 15, verset 47 à 50. Pourquoi alors Jésus parle-t-il de lui-même comme étant fils de l'homme s'il ne descend pas du premier homme, Adam, comme le reste des humains? Cette expression que Jésus utilise régulièrement pour parler de lui-même est une référence à une prophétie de Daniel sur le Messie. Jean 12, 34 montre que les Juifs comprenaient que le fils de l'homme est le Messie même s'ils ne reconnaissaient pas Jésus comme le Christ. Lisons Jean 12, 34. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? » Voici à présent cette vision de Daniel 7, versets 13 à 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Ainsi, le fils de l'homme est le commencement d'une nouvelle humanité. Une humanité née de l'Esprit, née de nouveau, qu'il fait entrer dans son royaume éternel. Ce royaume éternel que l'Ancien des Jours lui a donné. Voyons à présent la deuxième proposition de la réponse du Seigneur Jésus à Nicodème. Croyez au Fils de Dieu crucifié pour le salut du monde. Jésus annonce à Nicodème comment il va mourir. Il dit en Jean 3, le verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » En effet, les Écritures nous enseignent ce que Jésus veut dire quand il parle d'être élevé. En Jean 12, les versets 32 à 33, il dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Jésus précise aussi à Nicodème le but de ce sacrifice. Il dit en Jean 3, le verset 15, « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Ensuite, il explique en détail, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière,